besoin d'urgence, moi aimer. Voyez tous les jours l'oka levé, l'oka douché, oui même l'oka habillé. L'oka parti le matin, en savou kaye menti, moi sans vous, moi païen. Pé pas la dieu, moi aimer. Voyez tous les soirs l'oka rentré, l'oka couché ou à moi en comblé. En offrisson, moi sensation, l'amour a qu'à monter, en cassant sur l'oppression. Sou ka pati, an ve pa rigrete a yen. Mi se pou san ka di tout sa ki a si jè mwen. Tombe love de vous, croyez-moi. Vous et moi, nous qui fait l'amour, ça qui est trop bien. Ou qui toujours fin moi, ou qui toujours voulez moi. T'es qu'à chant, femme pour love moi. On femme pour beau moi, on femme pour bon moi, gros câlin. Ou j'a ça, vous c'est tichou en moi, chouchou en moi. Eh ben mon pas craquin d'ayen. Peux pas arrêter en minute sans vous, sans faire l'amour. Ou j'a ça, vent fou vous. Et jour après jour, l'amour en nous qui flirre toujours. L'amour qui est plus fort qu'il nous. Baby, you're my love. I can give you what you like. Prier pour nous rester ensemble. Tous les jours, moi constater que tous les décassants. Qui se ressemble, ça semble qu'on peut voir Black a dit. A pas magie, baby. Vous et moi, c'est pour la vie. Moi qui love, oh, qu'on love. Moi, ever, c'est forever. Ever, bobo. Nico, nous cabazot love là. Ever, habi jo que voit qu'à qui l'amour. Adi, ever, habi jo que voit qu'à qui love. Adi.